Deuxième temps de notre semaine sur les réformes religieuses dans la fabrique de l'histoire. Aujourd'hui, le documentaire de Victor Massé de Lépinay et Anne Fleury nous conduit au Vatican, 50 ans, jour pour jour, après la clôture du Concile Vatican II. Après avoir évoqué hier la place de Jésus dans l'islam et dans le Coran, avant demain de vous parler des réformateurs de l'islam au XIXe siècle et des réformateurs médiévaux du judaïsme jeudi, nous allons ce matin nous souvenir qu'il y a 50 ans, jour pour jour, eh bien, le Concile Vatican II était clos. Comment a-t-il été organisé? Qu'a-t-il apporté à l'Église? A-t-il résolu, comme on disait à l'époque, les problèmes qui se posaient à l'Église dans un monde qui évoluait très vite? C'est ce que raconte le documentaire de Victor Massé de Lépinay et d'Anne Fleury, avec les témoignages et les analyses de Marguerite Léna, de Georges Gilson, de Tarsis Chibangou, de Jean-Louis Schlegel et de Rémi Canas, jusqu'à 10h dans la Fabrique de l'Histoire ce matin. La basilique vaticane est enfin prête à accueillir les 2500 pères du Concile. Les bancs sur lesquels s'assieront les pères du Concile remplissent toute la nef centrale, c'est-à-dire plus de 130 mètres de long. Quant au pape, il siégera au fond sur un trône qui a été disposé juste devant l'autel, sous le baldaquin du Bernin. La fenêtre ouverte de Vatican II. Pour protéger les évêques des courants d'air, des tapisseries de Raphaël ont été disposées entre les piliers de la nef et des micros sont placés dans chaque travée pour permettre aux orateurs d'être entendu de tout le monde. Bon, on vient étudier, bien sûr, toute l'histoire de notre Église. 20 siècles après, je me retrouvais donc dans Saint-Pierre, accompagnant l'archevêque de Paris, Monseigneur Veuillot, et je découvrais la première chose que je savais par les livres, par les journaux, par les articles de Fesquet, qui était le journaliste de l'époque du journal Le Monde, qui a beaucoup donné à faire connaître le Concile à l'ensemble de la population en France. D'un seul coup, le monde entier est là. Car au fond, pour la première fois, ce Concile était physiquement, historiquement, véritablement universel, puisque tous les pays du monde étaient représentés. Nous étions, je fais une petite parenthèse pour comprendre pourquoi mon expérience est immédiate, concrète, c'est que nous étions, nous les secrétaires d'évêques, comme réquisitionnés pour s'occuper d'une travée de 50 évêques, pour les aider, pour répondre aux questions qu'ils posaient, tout ça en latin bien sûr. La terre entière était représentée. Elle n'était pas représentée de la même manière cependant. Dans les années 50-60, l'Europe, l'Italie en particulier, était surreprésentée à Rome dans le cadre de ce concile. Les continents extra-européens l'étaient beaucoup moins. Une des choses les plus difficiles à expliquer à propos de Vatican II, à expliquer aujourd'hui, c'est de quoi il s'est détaché. Il est presque plus facile de dire ce qu'il a été, alors on parle de la rupture qu'il a opérée par rapport à avant. Mais la difficulté d'expliquer avant est absolument incroyable. Parce que moi je considère quand même que Vatican II, donc Vatican II, le concile de l'Église catholique, donc faut toujours imaginer, même quand on n'est pas catholique, que l'Église catholique c'est une puissance mondiale immense, quoi. C'est actuellement 1,25 milliard de personnes. C'est l'Église qui est de loin la plus structurée, la plus unie. Elle a un chef mondial, avec des petites différences locales, disons, sur un dimanche donné, on célèbre la même messe du dimanche dans les 5 continents, de l'Océanie à l'Amérique latine. Donc il faut avoir ça en tête pour imaginer ce que signifie quand même qu'une Église décide, dans une espèce de dynamique de groupe créée à partir de l'ouverture du Concile en 62, une réforme presque de fond en comble quand même. Bien sûr, le Concile a laissé des textes, et des textes tout à fait décisifs, mais le Concile a été vécu par l'Église comme une sorte de moment de de vie intense, voyez, à l'intérieur même de l'Église et du rapport de l'Église avec le monde. Pendant le Concile, il y a un pape qui est mort, un autre qui a été élu, Paul VI. Ce deuxième pape est allé parler pour la première fois de l'histoire à l'ONU, pour la première fois de l'histoire à Jérusalem. Vous voyez, des événements comme ça rendent les choses un peu plus concrètes et correspondent à la réalité même du mystère de l'Église qui a quand même été au foyer de la réflexion du Concile et qui est une Église engagée dans l'histoire des hommes, parce que Dieu s'est engagé dans l'histoire des hommes. Le général de Gaulle aurait dit du Concile Vatican II qu'il était l'événement le plus important du XXe siècle, car on ne change pas la prière d'un milliard d'hommes sans toucher à l'équilibre de toute la planète. Cette formule, car c'en est une, adressée qui plus est à un ecclésiastique, soulève quelques questions. Le Concile a-t-il changé la prière des catholiques? N'a-t-il changé que cela? Et que signifie véritablement changer la prière? En changer la langue? En changer le langage? Ou bien plus profondément, modifier le dogme ou la doctrine. D'autre part, est-il raisonnable ou vraisemblable de dire qu'un aggiornamento, pour reprendre les mots du pape Jean XXIII, c'est-à-dire une mise à jour de l'Église catholique, change quelque chose au cours de l'histoire? Le monde aura-t-il écouté le Concile? En aura-t-il retenu quelque chose? Du côté de l'Église, en tout cas, c'est là, dans ce rapport au monde, que semble résider une part non négligeable du changement. Dans ce rapport au monde, c'est-à-dire entre autres, dans ce rapport à l'histoire du monde, l'histoire passée et l'histoire en marche. Marguerite Léna. On est dans un monde qui est encore un monde bipolaire avec la guerre froide. L'affaire de Cuba et des missiles, si je me souviens bien, c'est en octobre, au moment de l'ouverture du Concile, en octobre 62. Ce qui veut dire qu'au plan politique et au plan idéologique, le marxisme est encore une réalité très très consistante, très existante. On est aussi encore dans un certain optimisme technologique qui n'est plus tout à fait de mise au temps de la COP21. Là, il faudrait compléter cette espèce de tableau, ce archi-sommaire que je viens de faire, par une approche historique de l'Église elle-même, parce que c'est vrai que le Concile Vatican II, il n'a pas surgi comme un champignon tout d'un coup. Le pape Jean XXIII en a eu l'inspiration très soudaine, ça il le dit bien, il l'a annoncé, ça a été un coup de tonnerre, parce que personne ne s'attendait à cela, mais cette inspiration soudaine était, comme souvent d'ailleurs les inspirations spirituelles, était quand même préparée par tout un travail en amont. Alors, qu'est-ce qu'il y a en amont ? D'abord, le fait que le concile précédent, c'est-à-dire le concile Vatican I, qui avait été convoqué en 1870, a été interrompu à cause de la guerre de 70. Les pères n'ont pas pu remplir le programme qu'ils s'étaient donné. Deuxièmement, il faut voir aussi qu'entre ces deux conciles, il y a quand même eu cette grande crise du modernisme qui a secoué l'Europe croyante entre la fin du 19e siècle et les 20 premières années du 20e siècle, et qui était au fond une crise du rapport entre l'Église et le monde moderne. Vous savez, le syllabus, c'est 1864, donc c'est pratiquement 100 ans exactement avant le Concile Vatican II. Et c'est une liste d'erreurs condamnées par l'Église. Mais quand on ne fait que dénoncer les erreurs, c'est quand même pas tout à fait suffisant. Et c'est là où un certain nombre d'esprits de premier plan, de théologiens de premier plan, je pense à des gens comme le père Congar, comme le père de Grandmaison, le père de Lubac, Karl Rahner, enfin on pourrait en nommer un certain nombre d'autres, ont travaillé en amont du concile, si je peux dire, à rendre possible ce concile. Ils ne savaient pas que leur travail rendait le concile possible, mais c'est quand même ça qui s'est passé. Le père Congar. Il pèse sur l'Église catholique un soupçon d'intolérance. 1965. Soupçon qui est alimenté par des souvenirs historiques, les uns très réels, hélas, d'autres parfois gonflés, présentés d'une façon exagérée. Mais l'Inquisition, Galilée, les guerres de religion, que sais-je, n'est-ce pas, la Saint-Barthélemy, tout cela, on l'attribue plus ou moins à l'Église catholique. Et aussi même le syllabus de Pie IX, qui n'est vieux que de 101 ans maintenant, 1864, et qui est un document évidemment très raide. Si bien qu'il faut sortir de cette situation, parce que la condition présente du monde le demande, et je pense que le Concile fera ainsi une œuvre extrêmement importante de contribution à la paix du monde. Alors, on a rompu par rapport en particulier à une église triomphaliste, mais ça c'est un peu encore le dehors des choses. Jean-Louis Schlegel. On a surtout rompu avec une église qui s'était érigée en contre-société, c'est-à-dire l'église catholique. Après la Révolution française, pour des raisons qu'on peut expliquer, hein, l'église a beaucoup souffert de la Révolution, et elle en est sortie contre-révolutionnaire. Hein, l'église européenne en tout cas, et l'église française en particulier, vu que la Révolution en plus s'est passée en France. L'église contre-révolutionnaire avait créé, René Raymond, l'historien, disait ça, une contre-société, c'est-à-dire avec ses propres œuvres, nos hôpitaux, notre système d'enseignement, nos œuvres sociales, et Dieu sait qu'elle a été inventive en plus, hein, souvent même créatrice par rapport à l'État, à l'espace public, mais quand même, une église qui, en gros, considérait ce monde moderne, né de la Révolution française, comme un monde peu recommandable, hein. Il y a quand même des textes au XIXe siècle, en particulier une encyclique, je crois, du pape Grégoire XVI, en 1832, qui s'appelle Mirari Vos, qui est une condamnation incroyable, mais vraiment, des droits de l'homme, de la liberté d'expression, de la liberté de réunion, de la liberté de conscience. Tout ça n'avait pas été abrogé. Le Concile n'a pas fait un texte d'abrogation, mais de fait, il y a mis fin. Tout ça a disparu. En 3 ans, alors on comprend les mots. Après le Concile, on a dit, on dialogue avec le monde. Alors le monde, peut-être à ce moment-là déjà, se disait, bon, on n'a pas grand-chose à faire de votre dialogue. Mais du côté de l'Église, dialoguer avec ce pauvre bas-monde, c'était une sacrée nouveauté. Pourquoi il y a eu un Concile à Jérusalem dans les années 60 après Jésus-Christ, donc au 1er siècle? Parce que le problème du statut des nouveaux croyants venant du paganisme se posait. Jésus n'avait rien dit là-dessus, pour la bonne raison que le problème ne se posait pas. Vous voyez, je crois que la nouveauté, si on peut dire, elle est liée au fait qu'il y a des questions nouvelles qui se posent. Ce concile-là, comme tous les autres depuis, on ne savait pas au départ ce qui en sortirait à la fin. Parce que ça, c'est un peu la loi de l'imprévisibilité, d'abord des choses humaines, mais aussi des choses divines. Donc le concile Vatican II, finalement, a duré 4 sessions, hein, entre 1962, commence en octobre 62, il s'achève en décembre 65. Entre les deux, il y a donc à 4 reprises, toujours entre les mois d'octobre-novembre, des sessions successives. Ça a été un combat assez difficile, hein, parce que au tout début du concile, je vous ai dit, ce concile a curieusement évolué dans une espèce de dynamique de groupe qui fait qu'à la fin, il y avait quand même des majorités à 95% sur pratiquement tous les textes, hein, ce qui n'était pas le cas au début. Ce concile, il avait été préparé forcément par la Curie romaine. Mais la Curie romaine, dans la tête de la Curie romaine, c'était, on va surtout réaffirmer plus fortement tout ce qu'on a toujours affirmé, c'est-à-dire les condamnations. Le concile s'ouvre un peu sous ces auspices-là, et puis, je crois, le deuxième jour, il y a le cardinal Liénard de Lille et un cardinal allemand qui ont tapé du poing sur la table en disant « Mais ça ne va pas du tout. On ne va pas discuter, là, avec des textes qu'on nous a préparés pour les approuver. On va essayer de commencer à réfléchir sur ce qu'il faut faire. » Enfin, je résume un petit peu, mais forcément, d'un point de vue interne, après, ça a été interprété comme l'irruption du Saint-Esprit, hein, dans cette assemblée... dont on attendait, faut quand même le dire, personne n'en attendait vraiment des miracles, incontestablement. Et là, à partir de là, ça a changé le cours du concile, qui est devenu un événement médiatique absolument extraordinaire. La réforme liturgique a été le premier grand document. Et c'est pas pour rien que par intuition, Jean XXIII a dit « on va commencer par la liturgie ». Georges Gilson. Beaucoup d'entre nous, nous pensions, mais non, le problème c'est l'évangélisation, le problème c'est la culture, le problème c'est la rencontre avec le communisme, le problème c'est l'athéisme, c'est le scientisme, etc., etc. Donc les grandes causes, j'allais dire, surtout que ça avait eu la guerre, 60 n'est pas loin de 1945 quand même. Hein. Et lui, il a dit non, les chrétiens, c'est des hommes et des femmes qui prient par une liturgie, qui était en latin. Eh bien, nous allons voir faire le point s'il ne faut pas, pour dire l'Évangile dans le peuple d'aujourd'hui et de demain, il nous faut par exemple passer à la langue vernaculaire, comme on dit, c'est-à-dire la langue de tout le monde, la langue des pays, la langue de culture, des différentes cultures. Mais lorsque j'ai voulu être prêtre, on m'a appris à célébrer la messe. Et on m'a appris dans le missel ce qui était écrit en rouge, les signes que le prêtre devait, comment il devait se tenir, comment il devait dire « Oremus, Amen, Alléluia », ou il devait dire des choses, la prière en latin, etc. Et là, au contraire, on est rentré tout de suite devant des hommes et des femmes qui priaient différemment à travers le monde, selon leur propre culture, dans un acte de foi qui était identique, et notamment qui était l'Eucharistie, qui était la messe. Donc le premier document, qui est le document conciliaire, Constitution sur la liturgie, la réforme liturgique, a été un des événements qui a ouvert la porte à tracer l'avenir de demain. Ce n'était pas simplement une application, c'était une capacité de dire dans la langue d'aujourd'hui la prière de toujours. Un concile, c'est une assemblée d'évêques, parce que ce sont les évêques qui, dans l'Église catholique, et puis c'est vrai aussi dans l'Église orthodoxe, ont la mission d'enseignement. C'est leur charge, si je peux dire. Voyez. Donc, dans un concile, ce sont les évêques qui prennent la parole, ce sont les évêques qui discutent entre eux, ce sont les évêques qui votent, et ce sont les évêques qui ensuite sont chargés de transmettre les textes du concile aux autres. Hein. Donc, voilà. Par contre, les évêques avaient tout à fait la possibilité de se faire accompagner par des théologiens. Alors ces théologiens suivaient les discussions, étaient au courant tous les jours de ce qui se discutait, parce qu'il y a eu toute une vie parallèle aussi, vous voyez, il y avait bien sûr les séances, mais il y avait aussi le fait que les évêques habitaient dans tel collège romain ou dans tel endroit, que les frères de Thésée, par exemple, avaient un petit appartement à Rome et recevaient tous les jours quelques évêques. Donc vous voyez, il y avait toutes sortes d'échanges beaucoup plus larges que simplement les réunions pour le concile. Monseigneur Tarsis Tshimangu, je sais que vous avez été un expert, avec cette particularité que vous étiez à la fois le plus jeune expert du concile et le seul expert africain, je crois. Exactement, et c'était très impressionnant pour moi et très intimidant même au départ. Oui. Il se fait que moi-même, en ce moment-là, depuis 1961, je me trouve à l'Université catholique de Louvain, où je poursuis d'abord un doctorat en théologie. J'avais beaucoup de contacts avec les milieux universitaires et scientifiques, aussi bien à Bruxelles, bien entendu, mais beaucoup en France, et avec le grand centre de réflexion pour la culture et l'avenir du monde africain, ce centre représenté par Présence africaine, dont le dirigeant, le directeur était Alioune Diop. Et c'est dans ce moment-là que je suis étonné, me trouvant à Louvain, de recevoir de la part du pape lui-même une lettre me disant « Vous êtes désigné, vous êtes nommé expert officiel, théologique officiel au concile. » Il se fait que j'étais le seul Africain à ce moment-là dans les études les plus avancées, ayant déjà publié. Et voilà, je crois, les circonstances. Alors, le travail consistait d'abord à examiner les documents de travail qui étaient proposés par l'organisation du concile, de manière à en faire des synthèses ou des explications très compréhensives aux évêques qui étaient les pères du concile. Et il y avait à suivre attentivement toutes les interventions pendant les séances conciliaires, de manière à noter les positions, les tendances différentes qui se manifestaient, et puis des exposés sur les questions de fond qui étaient posées au concile. Alors cela nous demandait d'être vraiment disponibles pour aller, pour choisir chaque jour telle conférence dans tel endroit. Mais alors après, tout cela se terminait par des propositions de textes d'intervention des évêques. Mais il fallait présenter tout cela en latin. Donc vous voyez que c'était assez ardu, assez prenant. Le rôle des commissions est central, c'est-à-dire Rémi Coquenas. On se répartissait suivant les paragraphes, parfois les textes, la rédaction des textes. Et par exemple, le paragraphe de Nostra Aetate concernant l'islam a été rédigé par des Français qui vivaient à Tunis, qui vivaient au Caire, qui étaient à la tête d'institutions nouvellement créées, donc des missionnaires qui vivaient dans ces États d'Afrique du Nord, qui étaient encore à l'époque pour certains dans une dépendance coloniale vis-à-vis de la métropole française. Mais ce sont donc des Français ou des personnes de culture française. Je pense à Georges Chenouda Nawati, par exemple, qui était égyptien, mais qui avait fait ses études donc au Solchoir chez les Dominicains en France. C'est par exemple aussi Robert Caspar, qui est donc père blanc, qui était à la tête, enfin, en tout cas dans l'équipe, avec Joseph Kouok et d'autres, de ce qu'on appelle l'Institut des Belles-Lettres Arabes à Tunis, qui avait été fondé dans les années 30 par des Français. Voilà. Donc ce sont des personnes de culture française qui vivent en terre d'islam, qui vont venir à Rome pour travailler, pour proposer, rédiger des textes, et là, ce paragraphe sur l'islam en particulier. Quant au dépouillement des votes, eh bien, il sera effectué par des machines mécanographiques qui se trouvent elles-mêmes dans des chapelles latérales. Ces machines peuvent dépouiller 40 000 fiches à l'heure. Les prélats se serviront pour cette machine électronique d'un crayon magnétique. Ils inscriront ainsi leur vote. Oui, en latin placet, ou le non placet, vote négatif, ou encore le vote avec réserve, le vote intermédiaire en latin placet iuxtamodum. En fait, il y a eu toutes sortes de réunions parallèles entre des gens qui avaient des affinités, quoi. Par exemple, des théologiens belges ont été particulièrement actifs et ont joué un rôle tout à fait décisif avec des théologiens allemands et des théologiens français. Ces gens-là, tout simplement, ils faisaient un peu de l'agit-prop en disant, ils invitaient des gens dont ils savaient qu'ils étaient amis à des réunions d'explication, de discussion, pour préparer les textes de façon un peu parallèle à ce qui avait été décidé. Par exemple, il y a l'évêque de Recife, très connu à l'époque, Elder Camara, qui a aussi joué un grand rôle, parce que c'était un type extrêmement charismatique, très joyeux, pas un intellectuel. On pourrait presque dire que c'est un agitateur né, quoi. Il nous faut arriver, au moins, à donner l'exemple de vivre dans un climat de service et de pauvreté. Encore ici, nous avons des exemples remarquables que nous viennent de Saint-Père. Sa présence à l'ONU a été la démonstration vivante de ce que doit être notre présence dans le monde. Paul VI, très simplement, a accepté d'être au-dessous de la présidence des Nations Unies et il a parlé debout aux ambassadeurs du monde entier. Cependant, jamais un pape a monté si haut de telle manière il s'identifiait à Jésus-Christ. C'est assez d'église qui veut être servie, qui exige d'être toujours la première, qui n'a pas l'humilité et le réalisme d'accepter la condition de pluralisme religieux, qui crie d'une manière opportune et inopportune qu'elle a le monopole de la vérité. 9 octobre 1962. C'est dans 48 heures que va s'ouvrir à Rome le Concile œcuménique. Un magnifique manuscrit italien du 15e siècle servira de symbole à ce concile. Ce manuscrit, il parut à Urbino en 1472, sera placé sur un autel en face de la tribune où siégeront les membres du concile. Pourquoi ? Une personnalité du Vatican l'a expliqué. La Bible a été choisie comme symbole du concile car elle est la source de la révélation et les délibérations seront centrées sur elle. Bref, la Bible symbolisera les efforts du concile pour renouveler l'Église dans sa forme originelle, préparer la voie à l'unité de la chrétienté et résoudre les problèmes qui se posent actuellement à l'Église catholique dans un monde qui évolue très vite. À noter qu'aujourd'hui, l'Osservatore Romano insère sa première publicité en latin, une annonce destinée aux ecclésiastiques venus à Rome pour le concile œcuménique. C'est une réclame pour une maison de location d'automobile. Automobile en latin, automobiles. Ainsi parlons-nous, vous le voyez, latin, nous aussi, sans le savoir. Chaque fois qu'on commençait l'Assemblée Générale le matin à 9h, l'évêque présidant la séance entrait, il tenait l'évangile, le livre, pour le poser au cœur et au milieu de ces 2500 évêques debout qui priaient. Et j'étais très impressionné, parce que j'étais tout jeune, évidemment. Tous ces hommes venaient d'un point précis, de Papouasie, ou bien du Brésil, ou bien sûr de Paris, ou bien etc., du monde entier. Se mettre à l'écoute du peuple, dont ils étaient membres à part entière, pleinement hommes parmi les hommes. Et, en même temps, à l'écoute de cette parole de Jésus, qui nous vient de transmission en transmission, de tradition en tradition, pour nous dire qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui. Et donc, ça a été vraiment cette découverte que le concile a été un recentrage sur le Christ. Et ça, c'est une expérience spirituelle très forte. Pour moi, le concile, c'est d'abord une personne que j'ai rencontrée au milieu de ces milliers d'évêques et qui s'appelle Jésus-Christ, à qui j'ai donné ma vie. Le concile a redécouvert la Bible, c'est évident. Mais avant le concile, dans l'Église catholique, on ne lisait pas la Bible. Moi, je peux vous dire qu'après le concile, on pullulait les groupes bibliques, c'est-à-dire les groupes de lecture de la Bible, avec les nouvelles méthodes d'exégèse historico-critique. D'ailleurs, je rappelle qu'une des grandes discussions de ce concile avait été le rapport entre l'écriture et la tradition. Jusque-là, il est incontestable, avant le concile, que la tradition avait totalement pris le pas sur l'écriture. Quand un catholique devait se situer par rapport à la vérité, il ne devait surtout pas invoquer la Bible, surtout pas l'Évangile. Il devait se situer par rapport à la tradition. Et en général même, j'ajoute, il fallait être obéissant à la tradition. Au moment du concile, je venais de finir mes études et d'entrer l'année précédente dans la communauté Saint-François-Xavier, dans laquelle je suis toujours, donc qui est une communauté de vie consacrée, qui s'occupe essentiellement d'éducation, de formation de jeunes. Bon, nous avions pour nous former à la théologie le père Jean Danielou. Le père Jean Danielou était un théologien, professeur à la Cato, qui a assisté au concile, et c'est lui qui était chargé de notre formation théologique. Donc il arrivait de Rome, toujours en courant, sans avoir eu le temps de beaucoup préparer quelque chose, avec les différents états des textes conciliaires. Et moi, je me souviens, il m'avait donné ces différents états sur le thème de la collégialité, c'est-à-dire la manière dont l'Église est gouvernée collégialement par les évêques en communion avec le pape et sous l'autorité du pape. Il m'avait donné ça, il m'a dit « Bon, Marguerite, vous nous préparez un exposé sur la collégialité ». Mais on se prenait pour un père du concile, vous comprenez. On était là à travailler sur les différents états des textes en essayant de comprendre pourquoi on avait enlevé ce mot latin, pourquoi on avait mis celui-là. C'était absolument passionnant. Les termes du débat sont assez simples. C'est que l'Église, au fil des siècles, est devenue une structure hyper centralisée, quoi, à un degré presque inimaginable. Donc avec aussi un unique personnage à sa tête, dont on peut bien dire qu'il a un pouvoir absolu sur à peu près tout, donc c'est le pape. Jean-Louis Schlegel. Son gouvernement, c'est donc la curie romaine. Et alors, il y a, en plus, j'ajoute, toute une réflexion théologique, évidemment, pour dire, mais est-ce que c'est ça l'Église que le Christ a voulu, quoi? Enfin, est-ce qu'il a voulu cette immense machinerie mondialisée? Quel est le rapport de ça avec l'Évangile, quoi? Alors, contre ça, le Concile a mis en œuvre une réforme qui s'appelle, bon, ça c'est un peu du jargon interne, la collégialité. La collégialité veut dire très simplement ceci, c'est que le collège constitué par les évêques de chaque nation, on l'appelle plutôt en France conférence épiscopale, ce collège, disons par région, par nation, par pays, peut avoir un pouvoir de réflexion, de décision, de représentation. On pourrait dire autrement, c'est tout simplement un pouvoir local dans l'Église. Le pape Paul VI lui-même, avant même la clôture, avait tenu à créer ce qu'il appelait le synode des évêques. C'était pour poursuivre justement l'œuvre du concile. Et nous verrons plus tard que le pape Jean-Paul II ira plus loin sur ce point-là. On est arrivé maintenant à mettre en place des synodes pratiquement continentaux. Et cela a commencé par le synode africain, voilà. Voilà une fois de plus, là l'Afrique a apporté quelque chose parce que l'Église d'Afrique, c'est une des églises, mettons, qui a voulu le plus rapidement possible obtenir la reconnaissance, mettons, d'un rite particulier, Le premier rite qui fut admis, c'est le rite qu'on a appelé le rite congolais ou le rite zaïrois, reconnu officiellement. Alors, Tarsis Chimango, est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que c'est ce rite congolais? La structure essentielle de la messe, c'est la même comme partout. Il y a la prière introductive, on se confesse devant Dieu pour demander d'être purifié, etc. Là, par exemple, il y a une particularité où on s'adresse aux gens de prière litanique. On cite les grands saints de l'Église catholique, plusieurs saints. Et puis on dit même, on reconnaît, on dit que nos ancêtres qui avaient vécu saintement, qu'on est en droit, disons, de vénérer, qu'eux aussi puissent intervenir. Ah, ça, c'est un point particulier qui avait même fait poser problème au moment où c'était rédigé. Mais c'est passé. Et ça, le fait de pouvoir invoquer dans une messe les ancêtres africains qui n'étaient pas chrétiens, mais qui ont vécu saintement, ça c'est quelque chose qui aurait été inimaginable avant le Concile Vatican II. Ah là sûrement. Et alors surtout la communication, quand le prêtre s'adresse, en Afrique on a la spontanéité de pouvoir répondre tout de suite, de signifier son accord, quand il le faut on l'acclame tout de suite. Donc je dirais c'est entre la tradition et ce que nous voyons dans les églises, disons pentecôtistes, etc. Alors Église particulière, Église universelle, le pape insiste maintenant sur la décentralisation. Ah, il faut y aller. Pontificalis muneris potiorem veluti partem, sane sibi vindicat per sequendum concilium ecumenicum Vaticanum II. La charge du souverain pontifical nous demande, comme un des devoirs les plus importants, de continuer le deuxième concile du Vatican, vers qui tous les hommes de bonne volonté tournent les yeux. Paul VI, 1963. Nous lui consacrerons toutes nos énergies, dans l'intention que l'Église catholique, qui dans le monde brille comme le signe pour les nations lointaines, conduise vers elle tous les hommes, touchés par sa grandeur. Ému par la vigueur de sa débordante jeunesse, par le renouveau de ses institutions, par la multitude variée de ses membres de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. On savait qu'on était dans une dynamique conciliaire. On le savait surtout à partir de la deuxième session. Parce qu'après la première session, on ne savait pas bien vers où on allait. Et on n'était pas sûr que... on aboutirait à une deuxième session. Jean 23 avait voulu le concile et Paul VI a vraiment réussi à le terminer. Et de fait, il est allé jusqu'au bout dans l'application du concile. Et en même temps, il se posait toujours la question, il faut s'arrêter. C'est comme ça, il a annoncé un jour, à la fin de la troisième session, si je me souviens bien, il y aura une quatrième session et ça sera suffisant. Il faut terminer tous ces textes qui s'accumulaient et notamment des textes qui faisaient des difficultés, tels que la liberté religieuse, tels que le texte sur la révélation, c'est-à-dire sur le Christ, tels que le texte sur l'œcuménisme, tous ces grands textes-là, avant Gaudium et Spes, qui a été écrit in fine, tout vraiment à la fin, dans l'été de 1965. Parce que les évêques ont dit, on fait un texte ou on ne fait pas un texte, sur le rapport de l'Église à l'ensemble du monde. On a dit ce qu'il fallait sur l'Église, on a dit ce qu'il fallait sur le Christ, on a dit ce qu'il fallait pour la prière, hein, donc les grandes constitutions. Basta, on s'arrête là. Et c'est Paul VI qui a dit non, il faut aller jusqu'au bout. Il nous faut un texte de l'Église dans sa responsabilité, pas simplement d'évangélisation du monde, mais sa responsabilité du dialogue avec ce monde. Et la première encyclique de Paul VI était sur le dialogue. Voilà. Le magistère de l'Église, bien qu'il n'ait pas voulu se prononcer sous forme de sentence dogmatique extraordinaire, a étendu son enseignement autorisé à une quantité de questions qui engagent aujourd'hui la conscience et l'activité de l'homme. Il en est venu, pour ainsi dire, à dialoguer avec lui. Et tout en conservant toujours l'autorité et la force qui lui sont propres, il a pris la voie familière et amie de la charité pastorale. Il dit qu'il faut que l'Église devienne dialogue. Dialoguer, c'est pas forcément être d'avis de l'autre, mais c'est penser qu'il a quelque chose à me dire et que moi j'ai quelque chose à lui dire. 1965. Les relations de l'Église avec les religions non chrétiennes ont fait l'objet d'un décret qui a suscité bien des controverses en raison de la place qui est donnée au judaïsme. Il veut être pourtant essentiellement une approche, un dialogue. La question du dialogue avec les autres religions ou les autres croyants, elle est à la fois à la source, elle se pose pendant et elle arrive à la fin du concile de manière très explicite. Rémi Coccanas. Bon, si on se replonge un peu dans l'histoire du concile Vatican II, les années qui précèdent, bon, il y a deux événements majeurs. Bon, le premier, c'est la Shoah. Qui s'impose donc d'une certaine manière au contexte international. Et le deuxième événement, c'est l'élection de Roncalli donc comme Jean XXIII. Or, Jean XXIII est un grand ami de différents intellectuels juifs, et notamment de Jules Isaac. Jules Isaac, qui est connu dans le monde enseignant en particulier, parce que c'est les fameux ouvrages Isaac Malet, Malet-Isaac, qui ont permis de travailler à l'école pendant de nombreuses années. Mais Jules Isaac, c'est aussi, et surtout pour ceux qui travaillent dans le domaine interreligieux, le fondateur des amitiés judéo-chrétiennes, qui ont été fondées à Aix-en-Provence, voilà, au tout début, donc enfin juste après la Seconde Guerre mondiale. Et tout le travail des amitiés judéo-chrétiennes, et de Jules Isaac en particulier, a été de travailler contre toutes les racines chrétiennes de l'antisémitisme. Et l'amitié entre Jules Isaac et Jean XXIII a influencé le pape Jean XXIII dans sa volonté d'imposer au concile une réflexion sur les relations avec le judaïsme et avec les juifs. C'est petit à petit, donc au fil des années du concile, que la question des relations avec le judaïsme s'est élargie aux relations avec les autres croyants et les autres religions. Alors c'est très intéressant ça, parce que certains des pères conciliaires arrivaient du Moyen-Orient, où un autre événement venait de se produire, puisque le 14 mai 1948, l'État d'Israël avait proclamé sa naissance au monde. Donc certains de ces patriarches et évêques du Proche et Moyen-Orient ont commencé à dire « Mais si on parle de la relation avec les Juifs, il va bien falloir qu'on parle aussi de la relation avec les musulmans, puisque sinon, chez nous, dans nos pays arabes, les musulmans ne comprendraient pas pourquoi est-ce que l'Église catholique donne un texte fondamental pour des relations nouvelles avec le peuple juif. Que ferait-on vis-à-vis de nos frères musulmans ? » Donc c'est ainsi que l'islam s'est invité à la table du concile, et puis derrière l'islam, ce sont les autres religions qui ont été traitées petit à petit, et c'est comme ça qu'on est arrivé à ce qu'on a appelé la déclaration conciliaire Nostra Aetate, qui a intégré donc les différentes religions et qui a permis à l'Église catholique réunie en concile de se positionner par rapport à chacune des grandes religions ou des grandes sagesses, puisqu'on va parler aussi des sagesses orientales et des religions traditionnelles africaines. Pour Mgr Lefebvre, le fait de dire « les autres ont aussi la vérité », le célèbre adage « hors de l'Église, point de salut » n'est plus valable, ça a été un motif de très fort de rupture pour lui. Or, comme ce texte a été voté tout à la fin, à la limite, il s'est trouvé confirmé dans toutes les préventions qu'il avait déjà. Mais très tôt, peut-être pas en 62, mais déjà en 63, il s'est mis à la tête de l'opposition et ensuite il s'est opposé sur pratiquement tout. Beaucoup de gens quand même avaient bloqué leur foi et leurs convictions politiques. C'est une tendance, c'est une tentation permanente. Alors quand vous êtes d'un milieu assez traditionnel au plan politique, vous pensez que il y a des gens qui ont l'autorité et ceux-là, ils doivent imposer leur autorité, et puis d'autres qui doivent obéir. Je caricature un peu, mais enfin, il y a quelque chose de ça. Et ben, vous n'êtes pas forcément prêt à entendre une parole qui vous dit le sanctuaire de la conscience humaine libre est pour Dieu le sanctuaire le plus important et inviolable. Mgr Lefebvre, là, il y a peut-être eu de sa part un opportunisme, c'est-à-dire son opposition sur la liberté religieuse, sur le judaïsme, ce n'est pas ça qui lui aurait valu des adeptes. Par contre, sur la liturgie, l'Église a peut-être ouvert une boîte de Pandore. Parce que un certain nombre de gens ne s'en sont jamais remis, quoi. C'est-à-dire, ils ont été brutalement privés d'un côté corporel presque, quoi, d'un côté symbolique, à la fois symbolique et corporel. C'était une souffrance, incontestablement, et une souffrance terrible même. Et en tout cas, ça a cristallisé l'opposition d'un certain nombre. Ça a fait recruter dans ce camp-là des gens qui n'étaient pas, a priori, Action française, ni... je vais dire, même des braves gens qui n'avaient aucune opposition à la liberté religieuse ou à quoi que ce soit de ce genre-là. Et à mon avis, ça a redonné des forces et des troupes à Mgr Lefebvre, ensuite, pour engager progressivement sa marche vers le schisme, qui a été donc consommé en 1988, quand carrément il a fait ordonner des évêques, veut dire qu'ils fondent une autre église. Vatican II est fini. On n'est pas prêt d'oublier à Rome la grandeur et l'émotion des deux dernières congrégations publiques des 7 et 8 décembre. Mais si la journée de clôture a été marquée par les messages de l'Église au monde, celle du 7 restera comme la grande journée de réconciliation entre l'Église catholique romaine et l'Église orthodoxe de Constantinople. Le 7 décembre, c'est-à-dire la veille de la clôture du concile, de manière très solennelle, le pape Paul VI et le patriarche, je crois que c'était le patriarche Athénagoras, ont levé les excommunications mutuelles entre Rome et Constantinople, ça veut dire entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe, les Églises orthodoxes, qui dataient de 1054. Donc, on a posé un geste de suppression d'un contentieux qui avait 9 siècles. Alors, ça ne veut pas dire que l'écuménisme est arrivé au bout de son chemin, mais c'était quand même une étape extrêmement importante. Le 8 décembre 65, Paul VI a clos le Concile Vatican II. J'y étais, puisque on était tous rassemblés sur la place Saint-Pierre. Georges Gilson. Alors, le premier souvenir que j'ai par rapport à cela, c'est mon archevêque, le futur cardinal Pierre Veuillot, m'avait dit la veille, rassemblez tous les bagages, rassemblez tous les papiers, rassemblez, mettez tout dans la malle de la voiture. On ira directement au jardin des Vatican, et puis, tout de suite après, Paris. Voilà. Il était pressé. Et c'est d'ailleurs un peu quelque chose de Pentecôte. Il n'était pas excité, parce que c'était un homme qui n'est pas sérieux, très sérieux, mais il était pressé de remonter sur Paris en 2 étapes. Et pendant tout le trajet, le cardinal, on va faire le concile, je vais arriver à Paris, je vais convoquer les prêtres, etc. C'était tout à fait le... Et cet homme qui avait 55 ans, qui avait 20 ans devant lui pour vivre le concile dans Paris et marqué de sa patte, au mois de juin 67, donc, il découvrait qu'il avait un cancer du pancréas. Et je l'ai accompagné jusqu'à sa mort en février 68. Le concile, c'est ça pour moi aussi. C'est qu'au fond, on n'est pas maître des événements. On n'est pas Dieu. Et que le grand danger, de même au niveau des hommes politiques, c'est de jouer à être Dieu. On n'est pas Dieu. Voilà. Les textes du Concile s'adressent aux membres de l'Église. L'Église n'a pas autorité sur l'ensemble des hommes pour leur dire ben « voilà ce que vous devez croire ». Mais elle peut leur dire « voilà ce que je suis chargé de vous faire connaître ». Mais le Concile a fini avec un message qui s'adresse à tous les hommes. « À tous les hommes, à toutes les nations, nous voulons adresser un message de salut, d'amour et de paix ». Et puis ensuite, il s'adresse aux gouvernants, aux hommes de pensée et de science, aux artistes, aux femmes, aux travailleurs, aux pauvres, aux malades, à ceux qui souffrent, aux jeunes. Cardinal Zungrana, évêque de Ouagadougou. C'est à vous, enfin, jeunes gens et jeunes filles du monde entier, que le Concile veut adresser son dernier message. Car c'est vous qui allez recueillir le flambeau des mains de vos aînés et vivre dans le monde au moment des plus gigantesques transformations de son histoire. C'est vous qui, recueillant le meilleur de l'exemple et de l'enseignement de vos parents et de vos maîtres, allez former la société de demain, vous vous sauverez ou vous périrez avec elle. L'Église, 4 années durant, vient de travailler à rajeunir son visage pour mieux répondre au dessein de son fondateur, le grand vivant, le Christ éternellement jeune. Et au terme de cette imposante révision de vie, elle se tourne vers vous. C'est pour vous, mais les jeunes. Moi, je trouve la grande réalité post-conciliaire, finalement, et très rapidement, c'est devenu ça, c'est le pluralisme catholique, que l'Église ne reconnaît pas, n'a pas très envie de le reconnaître, mais le catholicisme est sacrément pluriel aujourd'hui, c'est tout. Il y a un nouvel équilibre qui a été trouvé. C'est une Église très, très unitaire quand même, beaucoup plus que toutes les autres, mais en même temps, elle est remplie de chapelles très diverses. Et aussi, dans ma propre expérience, le Concile a été plutôt l'entrée de la fraternité dans l'Église. Parce que, quand même, avant le Concile, c'était un système, je dis hiérarchique, mais c'était surtout un système d'obéissance. Le laïc obéit au clerc, le clerc obéit à l'évêque, l'évêque obéit au pape, et tout à coup, le prêtre est devenu pour le laïc un homme fraternel, qu'il peut interpeller quand il veut, qu'il peut tutoyer. L'Église est sortie changée du Concile, mais bon, on ne s'est pas du tout mis à appliquer des textes, on s'est mis à poser des questions à partir des textes. Appliquer telle chose jusqu'où? Et pourquoi seulement jusque-là et pas plus loin? C'est pour ça qu'il y a eu une si forte déception à propos de la pilule. Hein. Paul VI s'est réservé la question. Le pape, après réflexion, donc, publie l'encyclique Humanae Vitae en juillet 1968, en plus, la date, pour la France surtout, la date était bien calculée. L'encyclique disait « niet, niet ». Alors cette encyclique, elle a été accueillie, on pourrait dire, de façon imagée, par des huées. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Il est certain que les interférences entre la suite immédiate du Concile de 65 à 68 et puis les années 68, ces interférences sont réelles. Et du reste, dans les théologies conciliaires en général, il y a eu une sorte de dissidence, puisque une partie de ces théologiens a créé une revue qui s'appelait Concilium, et qui voulait vraiment prolonger, mais dans un sens, on va dire un petit peu, dans le sens d'une certaine radicalisation, ce qu'avait dit le Concile. Mais ces théologiens allemands, français, belges, qui ont créé cette revue, n'ont pas été suivis par un certain nombre de grandes figures du Concile, dont en particulier, mettons, Congar et de Lubac. La grandeur du Concile Vatican II, c'est d'avoir duré 4 ans. Et personnellement, je pense, mais on pourrait en discuter si vous voulez, que Paul VI s'est trompé, oui, je dis le mot avec beaucoup de respect, car j'aime beaucoup Paul VI, s'est trompé en ne faisant pas la 5e session. Je crois qu'il aurait fait une 5e session. On aurait été jusqu'au bout de questions que le monde posait à la foi, tout simplement, pas à l'Église seulement, mais se posait à l'humanité tout entière, notamment devant l'extraordinaire implosion scientifique. On est allé dans la Lune. Et en même temps, on a été capable de maîtriser la procréation par rapport à l'amour humain. C'est des choses énormes que nous ne connaissions pas depuis la création du monde. Je crois véritablement que là-dessus, le pape, peut-être parce qu'il se rendait compte que l'Église n'était pas prête, dans l'ensemble du monde qu'il connaissait bien, à assumer cette évolution extraordinaire. Et donc, le Concile, pour moi, n'est pas terminé. Ça a poussé, ça a germé, et ça a fait des nœuds. Et ces nœuds posent à nouveau de nouvelles questions à notre Église. Et puis le pape a conclu le Concile par un très beau et dense discours. Je voudrais juste lire le petit passage qui vaut un peu comme résumé de toute l'entreprise du Concile. L'humanisme laïque et profane est apparu dans sa terrible stature et a, en un certain sens, défié le Concile. La religion du Dieu qui s'est fait homme c'est rencontrer avec la religion, car c'en est une, de l'homme qui se fait Dieu. Qu'est-il arrivé? Un choc? Une lutte? Un anathème? Cela pouvait arriver. Mais cela n'a pas eu lieu. La vieille histoire du Samaritain a été le modèle de la spiritualité du Concile. Une sympathie sans bornes l'a envahi tout entier. La découverte des besoins humains, et ils sont d'autant plus grands que le Fils de la Terre se fait plus grand, a absorbé notre attention. On aurait pu seulement clôturer, comme on clôturait autrefois les conciles, à l'intérieur de la basilique, purement et simplement. Bon, il y a un discours, disons, final, terminal. Et puis on dit, bon, le concile est terminé, à la suite, à la grâce de Dieu. Mais là, le fait que, justement, le pape lui-même, Paul VI, il a voulu exprimer ce dialogue, c'est ça qui nous a tous frappés. Et puis surtout, un peu plus tard, lorsque... Il visitera l'Afrique. Il a insisté de manière publique, officielle, avec force, sur le fait que dorénavant, en Afrique, on doit avoir un christianisme profond, un christianisme authentique, fidèle, mais un christianisme africain. Et je crois que pour l'Afrique, le pape est allé achever, si vous voulez, de nous dire l'essentiel. Vous sentez que tout ça, c'est l'aboutissement du Concile Vatican II. Si ces ouvertures n'avaient pas été faites, non, on n'en serait pas là. La fenêtre ouverte de Vatican II. Merci à Marguerite Léna, Tarsis Chibangu, Georges Gilson, Jean-Louis Schlegel et Rémi Cocanas. Merci également au père René Laurentin. Archivina Aurélie Marsay et Hervé Evano. Prise de son Alexandre Dang. Mixage Benjamin Vignal. Un documentaire de Victor Massé de Lépinay et Anne Fleury. Comme d'habitude, vous pouvez écouter ou réécouter ce documentaire ainsi que toutes les autres émissions de La Fabrique de l'Histoire sur France Culture en allant sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Et puis rappelons que le dimanche 20 décembre, dans son émission Talmudique sur France Culture, Marc-Alain Wachnin reviendra justement sur le texte évoqué dans ce documentaire, le texte Nostra Aetate, la déclaration sur les relations entre l'Église et les religions non chrétiennes, avec pour invité le rabbin Philippe Haddad et Jean-François Ben Sahel. C'est le dimanche 20 décembre prochain dans Talmudique par Marc-Alain Wachnin.